Le lendemain, poursuit M. de Volmar à Saint-Preux, je fus levé de bonne heure. Inquiet de ce qui s'était passé durant la nuit, au premier bruit que j'entendis, j'entrai dans la chambre. Sur l'état où Mme d'Orbe était la veille, je jugis du désespoir où j'allais la trouver et des fureurs dont je serais le témoin. À l'entrant, je la vis assise dans un fauteuil, défaite et pâle, ou plutôt livide, les yeux plombés et presque éteints, mais douce, tranquille, parlant peu, faisant tout ce qu'on lui disait, sans répondre. Pour Julie, elle paraissait moins faible que la veille. Sa voix étant plus ferme, son geste plus animé. Elle semblait avoir pris la vivacité de sa cousine. Je connus aisément à son teint que ce mieux apparent était l'effet de la fièvre. Mais je vis aussi briller dans ses regards je ne sais quelle secrète joie qui pouvait y contribuer et dont je ne démêlais pas la cause. Le médecin n'en confirma pas moins son jugement de la veille. La malade n'en continua pas moins de penser comme lui. Il ne me resta plus aucune espérance. Ayant été forcé de m'absenter pour quelque temps, je remarquai en entrant que l'appartement avait été arrangé avec soin. Il y régnait de l'ordre et de l'élégance. Elle avait fait mettre des pots de fleurs sur sa cheminée. Ses rideaux étaient entr'ouverts et rattachés. L'air avait été changé. On y sentait une odeur agréable. On n'eût jamais cru être dans la chambre d'un malade. Elle avait fait sa toilette avec le même soin. La grâce et le goût se montraient encore dans sa parure négligée. Tout lui donnait plutôt l'air d'une femme du monde qui attend compagnie que d'une campagnarde qui attend sa dernière heure. Elle vit ma surprise, elle en sourit, et, lisant dans ma pensée, elle allait me répondre quand on amena les enfants. Les enfants entrent dans la chambre et ne comprennent rien à ce qui se passe. On les aurait cru stupides. C'est qu'ils ne peuvent avoir l'idée de la mort. Julie les bénit et les confie à Claire. Ce moment d'endressement passé, l'on se remit à causer autour du lit. Et quoique la vieilleté de Julie se fût un peu éteinte avec le redoublement de la fièvre, on voyait le même air de contentement sur son visage. Elle parlait de tout avec une attention, un intérêt qui montrait un esprit très libre de soins. Rien ne lui échappait. Elle était à la conversation comme si elle n'avait eu autre chose à faire. Elle nous proposa de dîner dans sa chambre pour nous quitter le moins qu'il se pourrait. Vous pouvez croire que cela ne fut pas refusé. On servit sans bruit, sans confusion, sans désordre, d'un air aussi rangé que si l'on eût été dans le salon d'Apollon. La Fanchon, les enfants dînèrent à table. Julie, voyant qu'on manquait d'appétit, trouva le secret de faire manger de tout, toujours montrant le plaisir qu'on pouvait lui faire, de manière à ôter tout moyen de s'y refuser, et mêlant à tout cela un enjouement propre à nous distraire du triste objet qui nous occupait. Enfin, une maîtresse de maison, attentive à faire ses honneurs, n'aurait pas en pleine santé, pour des étrangers, des soins plus marqués, plus obligeants, plus aimables, que ceux que Julie mourante avait pour sa famille. Rien de tout ce que j'avais cru prévoir n'arrivait. Rien de ce que je voyais ne s'arrangeait dans ma tête. Je ne savais qu'imaginer. Je n'y étais plus. Et même il finit par se demander si son propre athéisme, indiscrètement soutenu, n'avait pas trop gagné sur elle. Mourait-elle donc en athée, en épicurienne ? Volmar éprouva cela, une gêne contradictoire. Étrange perplexité. Au lieu de se préparer à ce moment terrible, au lieu de mettre à nantes sa conscience, elle s'amuse à parer sa chambre, à faire sa toilette, à causer avec ses amis, à égayer le repas. Et, dans tous ses entretiens, pas un seul mot de Dieu et du salut. L'arrivée du pasteur, qui remplit son office, va donner le mot de cette énigme, car Julie lui répond par un long discours sur la préparation à la mort.